Ok, ok, c'est net, enfant victime de guerre, enfant victime de guerre. C'est Khalil, c'est Khalil. Je me prénomme Khalil, 13 ans victime des Quinri, loin de Paris, la petite fille du petit prince Harry. Je suis pris d'assaut, en ce moment plein couvre-feu, pour rien couvre le feu. Je meurs de faim loin tout ce que je veux, ma mère j'ai perdu. Sans oublier mes deux sœurs et je me retrouve perdu. Puis bouge crier comme une sœur, les bombes illuminent. Les maisons sont toutes rasées, écrasées. J'ai la liaison du trajet, tout à l'heure je les enfile. Pensant à la nuit dernière, puis l'année dernière, les gens laissent des familles derrière. Personne dit rien, ni Claire, ni même PPD. Ces fils d'Hitler n'iront rien, la haine envers ces PD. Déjà un an de guerre, puis je vois que tout cela continue. 2008, ma frère, les autres mots marchent, les pieds nus, les drapeaux qui brûlent. Plus de 3500 blessés, là où j'habite, c'est nul. Chaque être humain sans blessé, même pas la petite vie du prince Harry. Pas très loin de Paris, t'es la bienvenue si toi tu kiffes faire les safaris. Tous les gars de Charry, nique la Marie. Allez leur dire pas la même du Rosel Macari. Pas la petite vie du prince Harry, pas très loin de Paris. T'es la bienvenue si toi tu kiffes faire les safaris. Tous les gars de Charry, nique la Marie. Allez leur dire pas la même du Rosel Macari. Pour mon peuple, la famille, je me suis joué à tout donner. J'ai plus goût à la vie, sans une guerre j'ai tout paumé. Tous les coups donnés m'ont permis de tenir le coup. Personne se voue, plus qu'un rythme admire le goût. À la main des pierres, je n'apporte aucune résistance. Devant moi des nucléaires, très vite j'ai pris mes distances. Aucun traité, eux-mêmes vont rien traiter. Aucun veut se bouger, près de même pour un retraité. J'ai sauvé ma peau, et disparu t'as vu le nom. J'ai soulevé le drapeau, qu'ils m'ont paru en surnom. Le pétrole, on devient leur chose première. Nous tuent pour leur cause, genre compagnie pétrolière. Je veux pas me plaindre, je sais que beaucoup ne calculent pas. Pense que la vie voilà, baiser des buts ça y va. Je m'en fous moi, je fais pas mieux, pourtant je le dis. Je veux pas sceller la prière du vendredi. Mais pas la petite vie du prince Harry, pas très loin de Paris. T'es la bienvenue si toi tu kiffes faire les safaris. Tous les gars de Charry, nique la Marie. Allez leur dire pas la même du Rosel Macari. Mais pas la petite vie du prince Harry, pas très loin de Paris. T'es la bienvenue si toi tu kiffes faire les safaris. Tous les gars de Charry, nique la Marie. Allez leur dire pas la même du Rosel Macari. Mais pas la petite vie du prince Harry, pas très loin de Paris. T'es la bienvenue si toi tu kiffes faire les safaris. Tous les gars de Charry, nique la Marie. Allez leur dire pas la même du Rosel Macari. Mais pas la petite vie du prince Harry, pas très loin de Paris. T'es la bienvenue si toi tu kiffes faire les safaris. Tous les gars de Charry, nique la Marie. Allez leur dire pas la même du Rosel Macari. Carry, carry. Allez leur dire pas la même du Rosel Macari.